émission, seule émission rap de référence. Are you ready for this? Pour une heure de direct et nouveau son en exclu dans toute la France. Tous les soirs sur Skyrock, 20h-21h, Planète Rap avec Fred. Ce soir, Planète Rap spécial Algérino. Passez une bonne soirée, c'est reparti pour une nouvelle semaine, le Planète Rap avec l'Algérino. Allô, allô? Allô, allô, mon ami! Mais tu es où, mon ami? Mon ami, alors écoute-moi, Air France, qu'ils aillent se faire une soupe. La SNCF, qu'ils aillent se faire une grosse soupe. Une grosse soupe, et là, hein. je suis dans le taxi, cousin. Je suis dans le taxi, je suis pas très loin. Et le taxi va pas se faire une soupe, non? Il te ramène vite, hein? Non, non, non, Koum, c'est la famille. C'est un taxi qu'on connaît bien. Il va sortir les gyros spéciaux pour Planète Rap. Et on arrive, on déboule. Bah ouais, parce que je me disais, l'aigle royal a du mal à se poser. À vol d'oiseau, à vol d'aigle, on n'est pas très loin. À vol d'aigle, normalement, tu devrais être là dans le studio. On n'est pas très loin, mais bon. Là on roule. J'ai rangé les ailes. Tout va bien? Très très bien, et toi Fred? Bah écoute, en pleine forme, je t'attends avec impatience pour découvrir et faire découvrir le cinquième album de l'Alger, hein. Le cinquième album, ça fait déjà cinq albums. Cinq albums déjà. Et à ce moment précis, on peut parler de carrière. Je pense qu'on peut parler de carrière. C'est quand même quelque chose. Et on va en parler d'ailleurs, je t'attends parce qu'on avait fait un joli medley de ta carrière et tout, je préfère que tu sois là. Quand même, j'arrive, pour que tu réagisses en direct. Je bombarde, mon frérot. Ouais, mais ça, c'est les Marseillais, ça, on connaît. Mais attends, tu le sais que moi, je suis quelqu'un de très, très ponctuel, contrairement à ce qu'on dit sur les Marseillais. Moi, je suis quelqu'un de très ponctuel. Mais à un moment donné, avec la Air France, la SNCF et les bouchons parisiens, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà. Bon, t'attends, l'Alger. En tout cas, tout va bien se passer. T'as vu, là, c'est en ce moment, Marseille, c'est... On est bien. C'est une saison marseillaise, là, j'ai envie de dire. On commence bien, ne nous jette pas l'œil. La semaine dernière, non, mais je parle musique, je parle pas foot. Musique. J'avais pas parlé foot tout de suite, on va attendre un petit peu la fin de semaine, tranquille. On va attendre demain soir aussi, tranquillement aussi. T'as raison. Non, je disais, regarde, la semaine dernière, j'avais Kenza, la semaine suivante, j'ai Sopra, et Léa, y a toi. C'est magnifique, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Incroyable. C'est royal. C'est comme l'album qui s'appelle Aigle Royal qui sort lundi prochain. Exactement, le 6 octobre dans les bacs. 6 octobre, on va en parler, on va le faire découvrir. Qu'est-ce qu'on met en attendant que tu arrives, un morceau quand même? En attendant que j'arrive, comme je disais aux auditeurs, tout va bien se passer, ça va aller. On va s'écouter, ça va aller. Un morceau que je kiffe beaucoup. Ben, on en est parlé d'ailleurs de ce morceau aussi, puisque quand tu étais venu à l'époque pour Marine Monster, pour la sortie. Exactement. On en a parlé, on l'a joué sur Sky. Mmh. Et là, j'ai fait un peu le tour de la France, j'étais même au Maghreb et tout. Et super accueil sur le titre, les gens ils le chantent en cœur, donc c'est un titre dont je suis fier. Et bon, t'attends l'Alger, envoyez des messages. J'arrive, avec le hashtag l'Algérino, vous allez pouvoir vivre l'arrivée de l'Algérino si vous suivez en image sur l'application sur skyrock.fm. On t'attend dans le studio, il y a Aria qui est là que tu connais. J'arrive, je bombarde, je suis en train de fumer une Tana Smoke là. Non, 2014, j'ai arrêté la cigarette, donc je me mets à la Tana Smoke pour essayer d'arrêter complètement. Ouais, c'est les petites cigarettes électroniques mais jetables, c'est ça, hein? Exactement. Mm-hmm. Je sais que Aria il kiffe ça. Ouais, il m'en a foutu une dans le bec aussi directement en disant tiens, teste ça. J'arrive. On en fait gagner de toute façon. Non mais concrètement, juste pour savoir, tu es où à peu près? Alors là, on est où, Koum? On est à Bastille, frère, on y est presque. On est à Bastille, bouge pas. Mais attention, sans s'interdit, voie de bus. Bon, voie de bus, il a le droit. Sans s'interdit, gyrophare. Ça, il a moins le droit. Je te confirme qu'il a moins le droit, ça, normalement. Et tu veux qu'il s'enlève avec sa 307 à deux fois. Allez, retourne là, allez, bombarde. Hop, si vous croisez un taxi fou avec l'Algérino à l'arrière, c'est qu'il arrive dans le studio de Planète Rap. Écartez-vous. Écartez-vous du milieu. Faites place pour l'Aigle Royal. On attend qu'il vienne se poser dans le studio. Allez, c'est parti, on balance le. Ça va aller? Allez, vas-y, frérot. Nouveau millénaire, l'époque est folle. Dur de garder la tête sur les épaules. Ce monde me fait peur, donc je m'isole. J'ai pas compté combien de fois j'ai touché le sol. Où sont passés mes rêves d'enfant? J'ai grandi trop vite, ma chère maman. Papa m'a dit de prendre mon temps. Aujourd'hui je raconte mes regrets en chantant. J'avais rien à bout du monde, plaqué, menotté. J'ai cru que le bonheur c'était de courir après le blé. Oui, les études abrégées, j'ai beaucoup d'acné. Je parle plus aux filles, je suis trop complexé. Je me demande, oh, oh, j'ai pas compris, faudrait m'expliquer. Je me demande, oh, oh, je me sens pas beau, je me sens dépassé. Petit, ça va aller. C'est la vie, c'est le monde, c'est les hommes. T'es tout seul sous le ciel étoilé. C'est la vie, c'est le monde, c'est les hommes. Écoute-moi petit, ça va aller. C'est la vie, c'est le monde, c'est les hommes. T'es tout seul sous le ciel étoilé. C'est la vie, c'est le monde, c'est les hommes. J'taillais les cours, j'découpais des plaques. J'traîne avec mes potos blancs, beurre asiatique et black. Assis contre un mur, j'fume ma première cigarette. Petit déjà, j'ai compris que le quartier n'était pas net. Juste en bas de chez moi, je vois les grands qui bicravent. On a la PlayStation et la télé dans la cave. On freestyle jusqu'à pas d'heure quand j'découvre le rap. Papa me donnait des roses, il avait peur que je dérape. La conseillère me dit que j'ai des capacités. Avertissement de conduite rarement félicité. La plus bonne de l'école me fait tourner la tête. Un mec m'attend à la sortie pour faire un tête à tête. Je faisais tout dans l'excès, adolescent complexé. Maman se fait du souci, regarde la rue en train de me piéger. J'ai cherché la paix dans le pavé. Je ferai la guerre pour construire à maman son palais. Je me demande oh, j'ai pas compris, faudrait m'expliquer. Je me demande oh, je me sens pas beau, je me sens défaissé. Mais qui ça va aller? C'est la vie, c'est le monde, c'est les hommes. T'es tout seul sous le ciel étoilé. C'est la vie, c'est le monde, c'est les hommes. Écoute-moi petit, ça va aller. C'est la vie, c'est le monde, c'est les hommes. T'es tout seul sous le ciel étoilé. C'est la vie, c'est le monde, c'est les hommes. Je souhaite à tout le monde de sortir du tchex, moi. J'ai trop été collé au banc de la tête. Dédié à tous nos amis disparus. Je suis pas comme tous ces rappeurs qui vénèrent la rue. Je me demande Je me demande oh, petit, ça va aller. C'est la vie, c'est le monde, c'est les hommes. T'es tout seul sous le ciel étoilé. C'est la vie, c'est le monde, c'est les hommes. Écoute-moi petit, ça va aller. C'est la vie, c'est le monde, c'est les hommes. T'es tout seul sous le ciel étoilé. C'est la vie, c'est le monde, c'est les hommes. C'est Skyrock et c'est le Planète Rap avec l'Algérino qu'on attend d'une minute à l'autre. L'album c'est Aigle Royal. L'Alger toujours en ligne? Toujours en ligne mon ami, on se rapproche, on n'est pas loin. On est à République maintenant? Non, là on est, c'est Saint-Michel? Ah bah, c'est on est à Châtelet, ah bah parce que c'est... Si t'es parti à Saint-Michel. Non, on est à Châtelet. Ah bah Châtelet, voilà, il y a le boulevard Sébastopol. Dans 3 minutes quoi. Ouais. Exactement, mais faut bombarder, c'est le couloir de bus là sur la droite, là, on y va. Hein. T'inquiète pas. Bon, écoutez ce morceau extrait de Ça va aller, l'album L'Aigle Royal qui débarque lundi prochain, 6 octobre, à pas louper. Et à découvrir toute la semaine entre 20h et 21h. Que va-t-il se passer quand tu seras dans le studio, l'Alger? Ce soir. Salto arrière, triple boucle piqué, voilà. Écoute, c'est pas mal. Alors, j'arrive, on va faire découvrir des gros titres de l'album. Et on va commencer par faire des lives, je pense, à partir de mardi, donc demain. Demain, ouais. Et voilà, quoi, on va délirer au studio tranquillou, on va faire découvrir l'album parce que l'album, il est vraiment lourd. C'est pas pour faire le mec, t'as vu? Bah, justement, ouais, alors. Celui-ci, c'est vrai que c'est le cinquième album. Comment tu le qualifies, celui-ci? Il était. C'est sans doute l'album le plus abouti au niveau du feeling. C'est vraiment un truc que j'ai fait sans me prendre la tête. Et j'ai fait beaucoup de titres. J'aurais même pu sortir un double album. Mais vu qu'on sort à une période un peu, on va dire, hivernale, automne, tu vois. Donc j'ai mis des morceaux très introspectifs qui parlent de ma vie, de ce que je ressens. Tu vois, il y a des gros titres comme Humeur d'un soir, Humeur d'un jour. Voilà. Ouais, et un nouveau visage de l'Algérino parce que les gens ils me connaissent, en tout cas les singles que j'ai mis en avant auparavant, c'est des morceaux vraiment, tu vois, festifs où je délire et tout. Mais il y a aussi le côté l'Algérino qui a une certaine flexion, une certaine gamberge. Et des fois, donc ça m'arrive d'écrire des trucs plus personnels. Et ben on va en parler aussi. Puis il y a aussi évidemment des morceaux, je dirais, de l'Algérino. Donc, comme par exemple la grosse garde-robe, des morceaux comme. Ouais, grosse garde-robe, exactement. Voilà. Ben, tu sais que moi, je fais le tour des clubs de toute la France. Je sais. Et c'est des titres qui font bouger, qui font danser. Moi, je suis un artiste, en fait. On va pas dire. Je vais pas me la péter. Je suis un artiste complet. Et quand je fais les choses, je me force pas. Un morceau comme Grosse Garde-Robe, c'est pas je vais faire un morceau pour faire bouger les gens. Non, je suis un mec comme ça, qui aime bien rigoler, qui aime bien faire danser. Donc c'est des titres un peu plus légers et c'est des titres au feeling. C'est pour ça qu'ils sont réussis et que les gens apprécient, quoi. Tiens, justement, avant d'écouter un autre morceau extrait de cet album qui sort le 6 octobre, on va retracer. Alors, il n'y a pas tous les morceaux de ta carrière, mais on a fait un petit medley qui revient un petit peu sur certains morceaux cultes de l'Algérino. On va l'écouter maintenant. J'attendais que tu arrives, mais comme tu vas être là dans 2-3 minutes, autant l'écouter maintenant et ça va te faire arriver. Allez, c'est parti. Feel la tête. monsieur le commissaire, je jure. Sur la tête de ma mère, moi je n'ai rien à voir. T'as du mal à me croire, je te jure. Sur la tête de ma mère, tu tires un rail avant de fumer. Tu paranoïes, difficile d'assumer. Quel que tu es un homme, quel que tu es un vrai. Tu flirtes avec le diable, tu vas pas tarder à chuter. Princesse de ce monde, princesse de mon royaume, gardienne de mon cœur, garant de mon bonheur. T'es forte et courageuse, et tu marches fière. Rien n'est plus confortable que le cœur d'une mère. J'ai cueilli cette putain de fleur. Pensant faire le bon choix, j'ai tout de suite ouvert mon cœur. Fleur fanée, on est encore là. Marseille, t'es à tout piller, piller. De la classe et du sang-froid. On est venu faire un peu de piller, piller. La France ne nous entend pas. T'inquiète mon pote, on est organisé. Seul sous le ciel étoilé, c'est la vie, c'est le monde, c'est les hommes. Écoute-moi petit, ça va aller. C'est la vie, c'est le monde, c'est les hommes. T'es tout seul sous le ciel étoilé. C'est la vie, c'est le monde, c'est les hommes. Regarde-moi, ouais, pourtant je suis ta femme. L'Alger, toujours avec nous? Ouais, je suis toujours avec vous. J'aime bien le fait de l'aider, bien. Hein. Un petit aperçu, alors on n'a pas pu tout mettre évidemment, mais il y a des nouveaux morceaux qui sont sur l'album et puis d'autres plus anciens. Il y a évidemment le fameux sur la tête de ma mère, etc. On a tous dansé dessus évidemment comme des dingues. T'es où là? Attends, je suis au Comble. Châtelet, c'est à côté. Hein. Ah, ouais, si. En même temps, rue du Louvre, on a 100 mètres, frérot. T'inquiète, je vais l'envoyer. Et rue de quoi? Rue du Louvre. Rue du Louvre? C'est quoi? Rue du quoi? Rue du quoi, frérot? Du Louvre. Ah, rue du Louvre. Rue du Louvre. Ouais. C'est, rue du Louvre. Je sais pas par où c'est sûr que c'est passé. Pas un Marseillais. Non, c'est qui votre taxi? C'est un taxi. Je sais pas par où il est passé, mais il n'y a pas de rue du Louvre. Tout à l'heure, il m'a inquiété. Il m'a dit, ouais, on est parti de Bastille, Saint-Michel et maintenant rue du Louvre. Petit planète rap, à un moment donné, je sais de quoi je parle. On n'est pas loin. Ok. Ah, bah, j'espère. Bon, t'attends, qu'est-ce qu'on met comme morceau en t'attendant l'Alger? Grosse garde-robe, ça serait bien, le nouveau single. Tu veux écouter quoi? Grosse garde-robe? Grosse garde-robe, nouveau single. Ouais, si tu veux, vas-y, on va s'écouter Grosse Garde-Robe, on va les ambiancer un peu. Allez, on ambiance en attendant ton arrivée, l'Algérino qui débarque dans Planète Rap avec son album L'Aigle Royal. Et puis on suit aussi un petit peu son parcours dans Paris. Parcours mouvementé, un parti de Gare de Lyon, retrouvé un moment à Saint-Michel alors qu'il était sur Bastille. Et maintenant rue du Louvre, si vous avez, parce qu'évidemment on parle de rue, vous connaissez peut-être pas, hein, si vous habitez pas Paris, mais essayez de regarder sur le net, vous allez voir. Attends, à un moment donné, attends, je ne peux pas insulter mon taxi à un moment donné, il connaît Paris, c'est son métier. Ouais, ouais, on va lui filer un GPS aussi. En tout cas, il a gagné ça. Toute la semaine les cigarettes électroniques Stana Smoke. Yes. Toute la semaine, envoyez des messages, vous allez recevoir ça à la maison. Il est bon. Ah, et d'ailleurs aussi, regardez le clip Grosse Garde-Robe. Il est vraiment, vraiment marrant. Regardez ce clip, il est intéressant. Allez, c'est parti. On balance le morceau et puis on t'attend l'Alger. Vas-y, à tout. Oh, Momo, le Suédois. Bon, Alger, ça va ou quoi? Viens toi, en Paris, il y a une grosse soirée avec DJ. Je suis là ce soir. On va se mettre frier. Grosse Garde-Robe. Ouais, poto, je suis ta peintrée. Et jusqu'à là, j'ai tout mon temps. Mon lex au poignet. Grosse Garde-Robe. Comme ça fait rien et que tu peux toujours parler. Y'a trop de langue. Depuis qui Jacques de longue, yeah. Je la fais en Shaoui, en Kabyle. se sème. Ça fait même en turc, ananas se gueule. Les jaloux on le sème, on s'en bat les clairs. Nous on a la classe, Rouma c'est des clairs. Retiens ta mine, tu en dirais qu'elle a faim. Nous on respecte, c'est pas tomber sur des chiens. Dilex à mon rang, tu veux mon numéro. Hétadi, tu connais pas l'Algérino. L'Algérino, sort de capito. 1 million d'euros, tous mes classicos. Une armée de bigots dans le barrio. On veut peser plus lourd que les généraux. Grand yeah. Ouais, pourtant je suis ta peintre et jusqu'à là. J'ai tout mon temps, Rolex au poignet. Grosse carte d'Europe. Comme ça fait unique, tu peux toujours parler. Y'a trop de langues, de langues, de langues. Depuis qui jacques de langues, de langues. Je suis avec Bibi, Melik, foie gras, hlel. Confiture de figue à la recherche d'une hlel. Pas d'excès de zèle, pas de coke dans le zen. Le fontaine de la veille, en plus tu fais la belle. Je fais le tour des boîtes et des chichas. Les rappeurs m'envient, je fais du bif, ils sont tous en l'air. Gars, rebeu frais, rebeu agile. Pourquoi tu me jalouses, rebeu fragile. Je suis ta peintre et jusqu'à là. J'ai tout mon temps, Rolex au poignet. Grosse carte d'Europe. Comme ça fait unique, tu peux toujours parler. Y'a trop de langues, de langues, de langues. Depuis qui jacques de langues, de langues. J'aime rouler toute la nuit. Que je gamberge de l'Eli. Appelle Tini, ya Amri. Ya de l'Eli. Dwardini, Hayati. Khalini, Nijri, Fibali. Ce soir, très très grosse soirée. J'espère que les meufs elles sont de sortie et qu'elles ont pris la douche. Parce que beaucoup de meufs aujourd'hui ne se douchent plus. Elles mettent le maquillage Jemé. Mais Jemé c'est la marque, cousine. Je le remets. Pour toi j'ai la solution. C'est pas Elsev qui te faut, c'est Elsla. Oui mon ami. Et à tous ceux qui puent de la gueule aussi au passage. Il faut Hinton Mac. Je te signale que ça existe mon pote. Et tu peux y aller, vas-y. Remettre le suédois, l'Algérino, DJ Case. C'est Skyrock et c'est le Planète Rap avec l'Algérino. L'Alger est toujours là en ligne par téléphone. Toujours là, on est dans la rue Réaumur, je crois. Boulevard. Boulevard Réaumur. Non, non, rue Réaumur, rien putain. Non, c'est la rue, qu'est-ce que ça. Non, mais je sais pas. Il est vraiment passé par l'autre côté, en fait. Mais il a fait une dinguerie. C'est passé dans c'est, je sais pas, ça doit être le GPS. On va réinitialiser le GPS du taxi. Ouais, on va réinitialiser tout ça. Ah ouais, c'est un bon petit tour, quoi. Petit tour de taxi touriste, parfait. Écoute, pour visiter Paris. Écoute, en même temps, il y a ton son à la radio, donc on est bien, non. Ouais, on est très très bien. Qu'est-ce que tu en penses? On est bien. Le son est bon, c'était celui de Grosse Garde-Robe. Le son est très bon. Ouais. Avec DJ Case d'ailleurs qu'on salue évidemment. Hein. Exactement, la prod. Gros big up à DJ Case. Qu'on retrouve le dimanche soir sur Skyrock. Émission que tu connais bien qui s'appelle Rail Suprême. Que je kiffe d'ailleurs. Et ben on t'attend d'une minute à l'autre. Là j'ai un autre son à passer juste avant la pub. C'est, je disais saison marseillaise. Il y a Alonso qui vient de sortir un projet aujourd'hui. Je suppose que tu es au courant évidemment aussi. Oui, bien sûr. Le morceau s'appelle Il y a rien à faire. C'est extrait du projet d'Alonso des Psychiatres. On le met, on t'attend et t'es là juste Allez, après. Allez, vas-y, ça marche. À tout de suite. J'ai poussé le son à tout. Comme une armoire, on s'en bat les couilles. On a l'habitude de déplacer des meubles avec les douilles. La musique de Tac Pador, on a pris 40 grégousses. Que des faibles parmi vous, la support est avec nous. Si t'es jaloux, y'a rien à faire. Y'a rien à faire. Y'a rien à faire. Y'a rien à faire. Ok, ouais. Si tu fais serment, on te remplace. La chèrement, on la consomme sur place. Mon équipe t'a validé. Y'a trop de négros, tu te dis qu'est-ce qui se passe. entre nous trop de rivalité. Hashtag, machallah la solidarité. Tu rapes mal en plus, tu sais pas t'habiller. Mon frère, mais regarde-toi dans une glace. Tu rêves que ton mari soit comme ton daron. Mais est-ce que tu sais cuisiner comme ta daronne? Bois d'argent, tu vois, ça attire les chenets. Tu en boîte avec Gila, c'est tous les fennecs. FF, à l'ancienne. Je suis dans le sud par Exakaya Auxerre. T'as effrité ton shit sur mon ciel. Tu te la pètes parce que ton mec est taillé comme une armoire. On s'en bat les couilles. On a l'habitude de déplacer des meubles avec les douilles. La musique de Dark Vador, on a pris 40 grégous. Que des faibles parmi vous. La support est avec nous. Si t'es jaloux, y'a rien à faire. Y'a rien à faire. Y'a rien à faire. Y'a rien à faire. Attrape le taureau par les cornes et la femme par les hanches. Mon vin vieillit aussi bien que ma revanche. On dit qu'avant je faisais du rap engagé. Laisse-moi faire ma grâce, matin et dimanche. Regarde plus mes comptes, me raconte, j'ai pas honte. Ton mec c'est un meuble, on le monte, on le démonte. Paraît que t'es dans la boîte, on t'a pas vu. T'es comme un lit sans oreiller si t'as pas de cul. Les MP, les rebelles. Choix de vie, le zin. Les chanteuses de R&B français sont toutes éclatées. Sinon je les pèserai tout de même. Si ton mec est taillé comme une armoire. On s'en bat les couilles. On a l'habitude de déplacer des meubles avec les douilles. La musique de Dark Vador. On a pris 40 grégous. Que des faibles parmi vous. La support est avec nous. Si t'es jaloux, y'a rien à faire. Y'a rien à faire. Y'a rien à faire. Y'a rien à faire. Ok, je sors de Footlooker, j'y perds. J'sais pas combien il me reste de points sur mon biper. Tant que le buzz monte, super. Si t'as une tête de Schmitt, crois pas qu'on va te visser. Il te la huisse. Pourquoi je vais passer mon 06? J'paye ma Mercedes en billet 10. T'es bande que sur Insta, oh que c'est triste. C'est trop libido, accroche-toi au rideau. Je crache partout, je refais la déco. Valérie D'Amido, y'a beaucoup plus de bouteilles dans mon seau que dans ton frigo. C'est sur la seforêt, et avec nous. Ton mec est taillé comme une armoire. On s'en bat les couilles. On a l'habitude de déplacer des meubles avec les douilles. La musique de Dark Vador, on a pris 40 grégous. Que des faibles parmi vous. La seforêt est avec nous. Si t'es jaloux, y'a rien à faire. Y'a rien à faire. Y'a rien à faire. Y'a rien à faire. C'est Skyrock et c'est le Planète Rap avec l'Algérino qui va pas tarder à nous rejoindre normalement. Qui est pas parti sur Gare du Nord, on sait pas, ou Gare de l'Est, ou sur les champs. Qui sait, on va le retrouver dans un instant. Là, il y avait le son d'Alonzo des Psychades qu'on salue, qui lui aussi vient de sortir un projet, il n'y a rien à faire. À l'instant, c'est ce qu'on écoutait, le son d'Alonzo des Psychades de la Rime. Dans un instant, l'arrivée de l'Algérino, à pas louper. On vous posera aussi une question pour repartir avec plein de cadeaux, hein, Ria, c'est ça, cette semaine. On fait gagner toute la semaine des Tanasmo, qu'envoyer un. Alors, ça, c'est quoi? C'est les trucs des stars, on des m'a dit. Des stars, c'est la électronique des stars. Qui est jetable. Qui est jetable pour ton concert, le live, ta soirée. Etc. Et toute la semaine, on en fait gagner. Envoyez tout sur, au 41-759. Voilà. C'est ça, non? C'est ouais, ça qui m'a donné. Non, mais t'as raison, t'as raison. Ouais, c'est ça. Mais parce que d'habitude, on dit 41-759, c'est pour faire. Voilà, voilà. 41-759. Voilà, toi, 41-759. Tu à l'ancienne. Voilà. C'est l'ancien. Les numéros à l'ancienne. C'est ça. Donc 41-759, vous balancez un message, vous repartez avec. Avec du Tanasmoke toute la semaine en exclu. Le lancement se fera la semaine prochaine. Très bien, allez-y, l'Algérino, on le retrouve dans un instant, on passera des morceaux aussi. On va parler avec lui enfin de cet album, Aigle Royal, qui sort la semaine prochaine. Il est à découvrir toute la semaine entre 20 et 21, puis je vous poserai aussi une question pour repartir avec l'album dédicacé de l'Algérino. Ce sera après la pub, bougez pas. Comme toi, l'Algérino a choisi Planète Rap. Planète Rap. Planète Rap. 20h-21h, tous les soirs sur Skyrock. Ça y est, il est enfin arrivé, 20h-23 dans le studio, après une petite visite de Paris. On est là. J'ai changé de taxi. J'ai pris Sami Nasseri juste après. Voilà, juste après. Comment ça va, Nasseri? Ça va très bien, Pékin. En pleine forme? Ouais, très très bien. C'est correct? Très très correct. Très très correct, cet album qui arrive la semaine prochaine. Lundi, le 6 dans les bacs. Aigle Royal. On l'a pas dit, c'est aussi un nouveau label pour toi, puisque tu as quitté nos amis de 609. Exactement. Pour rejoindre Monstre Marin. Nouveau label, MMC, nouvelle aventure, nouvel album. On se refait notre carrière, quoi. Que de nouveautés. Exactement. Bon, mais ça va, tout va bien, tu es content? Tout va très bien, ouais, je suis super heureux, ça taffe bien. L'album, j'en suis très satisfait. J'arrête pas de tourner, le public il est réactif, donc je suis content. Bon, on va écouter un petit morceau maintenant. On va s'écouter. Même un gros morceau, peut-être d'ailleurs. Un gros morceau qui s'appelle. Ben, l'album, il s'appelle Aigle Royal, et dedans, il y a un titre qui s'appelle Aigle Royal. Ah. Donc c'est un titre phare de l'album que j'aime beaucoup. Mélodiquement, au niveau des textes aussi, au niveau de la prod aussi, j'aime bien. Et tu sais, c'est un morceau que je conseille à tous les mecs d'acheter. Ça coûte 1,29€, et lorsque tu as un souci avec ta minche, avec ta meuf, que ça se passe pas très bien, qu'elle soit énervée parce que tu ranges mal les chaussettes ou je sais pas quoi, tu laisses traîner les affaires Des choses qui arrivent. Tu leur mets cette chanson et tout se passe bien. Moi, j'ai fait l'expérience avec ma femme et je peux te dire qu'à chaque fois qu'elle est énervée, je lui envoie cette chanson. Je fais un bisou à Sonia. Je lui envoie cette chanson et c'est reparti pour être bon. Le bonheur de retour. Exactement. Bon, mais ce morceau, on en parle juste après. On fera un petit jeu aussi avec toi dans un instant. Les vues sur le net, vrai ou faux. Tout ce qu'on raconte sur toi ces derniers temps sur le net. Ça marche. On découvrira ça. Et puis aussi une petite question pour repartir avec l'album dédicacé. 41759, votre prénom. Numéro de téléphone. Si vous avez la bonne réponse à cette question, combien d'albums a sorti l'Algérino avant celui-ci, avant Aigle Royal? Combien? Allez-y, 41759, prénom, numéro de téléphone. Vous repartez avec l'album dédicacé de l'Alger. Je suis déjà un aigle, avec toi je serai un Airbus. Ma demoiselle, veux-tu être ma reine? Grimpe sur mes ailes pour toucher le ciel. Ma demoiselle, veux-tu être ma reine? Je suis déjà un aigle, avec toi je serai un Airbus. Ma demoiselle, veux-tu être ma reine? Grimpe sur mes ailes pour toucher le ciel. Ma demoiselle, veux-tu être ma reine? De mes propres mains, je ferai un château d'amour. On vivra la bohème comme disait Aznavour. Y'a plus de limites, oui, mon cœur on savoure. Je bétonnerai dans mon cœur toutes les choses qu'on savoure. Nuit noce à Dubaï, habillé en candou. Je décrocherai les étoiles pour prouver mon amour. Tous les débuts du mois, chargerai le caddie. On fera la prière pour se revoir au paradis. Je suis déjà un aigle, avec toi je serai un Airbus. Ma demoiselle, veux-tu être ma reine? Grimpe sur mes ailes pour toucher le ciel. Ma demoiselle, veux-tu être ma reine? Tu es déjà un aigle, avec toi je serai un Airbus. Ma demoiselle, veux-tu être ma reine? Grimpe sur mes ailes pour toucher le ciel. Ma demoiselle, veux-tu être ma reine? Se raconter nos vies, des heures au téléphone. J'aime ton sourire, tes fous rires qui résonnent. Laisse-moi pendant le foot, ma princesse, tu déconnes. Je t'aime sauvagement, il faut que tu décodes. Je te vois en flash, tu porteras la robe. Accorde-moi cette danse, fais de moi un homme. Engueulade vite, oubliée dans la rigolade. N'en fais pas une marmelade. Où je te garde, où je te largue. Sèche tes larmes quand je te regarde. Ton corps à son bodyguard. Son bunker quand ça bombarde. Reste présent dans les moments hard. Aigle royal, je veux bâtir mon nid. Un train de vie royal à la Clyde et Bonnie. À la recherche de mia mort avec un cœur d'apache. Faut faire des concessions pour trouver ses attaches. Je suis une bête sauvage, apprivoise mon amour. Aide-moi à prendre mon envol depuis le bas des tours. Je suis déjà un aigle, avec toi je serai un Airbus. Ma demoiselle, veux-tu être ma reine? Grimpe sur mes ailes pour toucher le ciel. Ma demoiselle, veux-tu être ma reine? Tu es déjà un aigle, avec toi je serai un Airbus. Ma demoiselle, veux-tu être ma reine? Grimpe sur mes ailes pour toucher le ciel. Et quand dans mon cœur tombe de la pluie, seul dans ma tempête, je recherche un abri. L'album Aigle Royal dans les bacs lundi, je compte sur vous la famille. C'est dans mon cœur que le soleil brille. Et quand dans mon cœur tombe de la pluie, seul dans ma tempête, je recherche un abri. Quand je me sens seul, perdu dans la nuit, c'est dans ton regard que le soleil brille. Je suis déjà un aigle, avec toi je serai un Airbus. Ma demoiselle, veux-tu être ma reine? Grimpe sur mes ailes pour toucher le ciel. Ma demoiselle, veux-tu être ma reine? Je suis déjà un aigle, avec toi je serai un Airbus. Mademoiselle, veux-tu être ma reine? Grimpe sur mes ailes pour toucher le ciel. Mademoiselle, veux-tu être ma reine? C'est Skyrock et c'est le Planète Rap avec l'Algérino Aigle Royal sur Skyrock. C'est le nom de ce morceau. Donc ce morceau qui glisse. Qui glisse. Quand on a un souci à la maison. Très très crème, exactement. Allez-y, l'Algérino, envoyez vos messages, vos réactions avec le hashtag l'Algérino sur Skyrock. L'Algérino, on a une petite surprise pour toi par téléphone. J'aime pas trop les surprises. Il faut que tu dises. Mais j'aime bien les bonnes surprises. Il faut que tu dises allô. Donc j'espère que c'est une bonne surprise. Allô. Allô. Oui. Allô, Alger. Oui. Est-ce que tu reconnais cette voix? Ça va très bien, je reconnais pas. Tu reconnais pas ça? Il reconnaît pas. Il faut laisser parler. Ou peut-être chanter? Ou peut-être chanter? Non, arrête. Eh oui. Le patron? Le patron du label MMC. Ça va, frérot? Ouais, ça va. Tranquille. Bah écoute, moi j'appelais pour donner de la force, pour soutenir, pour montrer qu'on est derrière, qu'on est là, dans l'ombre, même si on n'est pas là physiquement. On est là, on soutient, on écoute, on analyse, on observe tout simplement et voilà. Et je tenais à dire ça devant toute la France, devant toi, devant Fred, devant tous ceux qui écoutent tout simplement. Eh ben déjà, ça fait plaisir de te voir, Gims. Ça fait plaisir. Plaisir d'entendre ça et donc forcément content de cette signature. C'est la première signature et la première sortie, j'ai envie de dire. C'est vrai exactement. qu'il y avait eu le projet Monstre Marin qui était sorti. Oui, bien sûr. La copie. Si tu veux, c'est la première. C'était une fierté parce qu'on a eu. C'est un artiste que moi j'ai pas développé, tu vois. C'est un honneur pour nous. Il a rejoint l'équipage. C'était quelqu'un qui n'avait pas besoin de nous, tu vois. Il a accepté de nous donner. J'ai envie de dire qu'il nous a donné de la force parce que le label, il y avait personne, quoi. C'est un nouveau label qui vient d'arriver. On a un artiste de son envergure qui a déjà fait ses preuves, que ce soit en radio, que ce soit sur scène, que ce soit partout en France, et ça a donné un poids à MMC tout simplement. Donc moi, je suis très content. Je suis très content déjà du personnage, de l'humain. On se connaît pas depuis des années, tu vois, l'humain, j'ai tout de suite, tu vois. Ça a accroché. Ça a accroché tout de suite. Et moi, j'aime vraiment le personnage. Donc, je suis là, tout simplement. Merci, frérot. Merci d'avoir été avec nous par téléphone. Gims, par contre, juste un petit mot sur la tournée, parce que nous, on l'a annoncé sur Skyrock, on a annoncé une tournée. En plus, toi, juste après, peu de temps après, t'as dit non. Voilà, la tournée a été décalée, tout simplement. Elle a été décalée et il y aura toutes les infos, les vraies infos avec précision très prochainement, tout simplement. Voilà, c'est décalé pour tous ceux qui se posaient des questions là-dessus. Il fera l'annonce lui-même quand ce sera bon. Et ce sera toi qui feras l'annonce quand ce sera OK. Merci pour le soutien. Bon, Gims a dit quoi? Il y a un petit retour en studio? Qu'est-ce qui se passe? Il y a repos? Qu'est-ce qu'il y a en ce moment? C'est le repos du guerrier, comme on dit. Besoin de reprendre un peu de force? Le repos du guerrier, ouais. Voilà, c'est bien, il faut se détendre un peu. Tranquille. On peut voir de belles sorties. J'ai découvert de nouveaux artistes. Il y a pas mal de petits trucs qui tournent en ce moment, pas mal. Donc. On immergeait un peu, on faisait de l'ombre un peu, donc on s'est retiré un petit peu. Pour donner un peu d'espace d'oxygène aux autres. Bon, en tout cas, c'était bien de t'avoir, de clarifier aussi cette histoire de tournée, parce que nous, en plus, on l'a annoncé, les gens attendaient, il y a eu plein de messages, etc. Donc voilà. Partenaire officiel, évidemment. Donc, on s'est dit, qu'est-ce qui se passe? Et puis, on parle de tournée, il a raccroché. Gims. Ah oui, il est parti. Il y a une coupure. Il y a une petite coupure. Qui arrive. Bon, en tout cas, voilà, il nous a expliqué la tournée est décalée. Décalée, c'est ça. Il fera l'annonce lui-même quand les dates seront recalées. Et il fera une vidéo pour annoncer lui-même officiellement la tournée. Et puis le petit clin d'œil donc à l'Alger. C'est vrai que t'es la première grosse sortie du label. Hein. Il y a eu la compile avant et puis il y a toi maintenant. Ouais, c'est ça. Mais c'est bien. C'est un label neuf. Moi, j'aime bien les challenges. Et ça commence par moi, c'est tranquille. Bah oui. Ça fait plaisir, franchement ça fait plaisir. L'Alger, je crois qu'on a retrouvé Gims. Gims. Ah, c'est moi, on n'arrive pas à le joindre. Bon bah on le salue en tout cas, Gims. Ouais, il doit plus avoir de batterie. C'était. C'est une. Non, il a une spécialité de Gims en fait. Non, je rigole, mais il me restait plus trop de batterie moi aussi. Ça avait failli couper. Bon, ça salut, en tout cas, souvent, c'est bien. On a plus de batterie. C'est bien de l'avoir là pendant quelques minutes avec toi et qu'il apporte justement ce petit regard qu'il a sur toi et le nombre d'années qu'il te suit aussi, puisque évidemment, c'est pas le premier album, c'est le cinquième pour l'Algerino. Bah, salut de notre part. Tiens, si toi, il y a Khalif Hardcore. Ah bah, voilà. Il était avec moi dans le taxi. Comment ça va? C'est pas toi qui pilotais, c'est pour toi, c'est pour ça que t'es arrivé en temps. Ouais, la guide. C'est toi qui pilotais en fait. Je sais pas s'il marche le micro, j'attends. Si, on t'entend. Voilà, je m'entends. Tout va bien? Ouais, ça va. Liga One? Ça va, impeccable. Ça passe bien? Oui. Avec Jules qui a été un véritable carton bien aussi. Bien sûr. Et puis on attend les sorties, la suite. Elle est en train de faire un album de dingue, Khalif. De dingue, je sais pas, mais on est en train de préparer. Ah, ça va. Il est modeste. Bon, bah, bienvenue. On s'installe. On met peut-être un petit morceau avant de retrouver le freestyle par téléphone. Allez, vas-y. Il y a un titre que je sais pas pourquoi, mais je l'ai balancé juste comme ça. J'ai fait un clip avec Silly de Silly Film. C'est Humeur d'un soir. Apparemment, les gens, ils apprécient grave. Donc, on va se le faire découvrir. On va l'écouter juste avant. Sky. Je crois qu'il y a Gims. On l'a retrouvé, Gims. Allô, ouais, Gims. On m'avait raccroché au nez. En fait. Ouais, c'est ça. On t'a raccroché au nez. Je sais pas pourquoi. C'est quand ça parle de tournée, ça raccroche aussitôt. Il y a un problème, en fait, là-dessus. Bon, non, Gims, merci d'avoir été avec nous. En tout cas, soit on t'attend avec impatience. Y a pas de soucis. Et puis, voilà. Repose-toi bien, prends des forces. Parce que c'est vrai qu'en plus, qu'avec tout ce que t'as vécu ces derniers temps. Il prend du recul. Voilà, il faut se détendre. Tu es où en ce moment? Tu es à Marrakech? Non, je suis à Paris là. Tu es à Paris, frérot. Repose-toi bien, mon frère. Je suis à Paris. Eh bah, profite bien. Merci d'avoir été avec nous en tout cas ce soir par téléphone. Merci à vous tous. Merci. Merci, mais très vite. On balance le morceau. Allez, vas-y. Allez, c'est parti. L'Algerino, Aigle Royal. Et le morceau s'appelle Humeur d'un soir. 2h30 du matin. Pleine gamberge. Plein de trucs qui te passent par la tête. Tu crèmes même. Tu te remets en question. Tu voyages dans tes pensées. Tu te poses plein de questions sur la vie. Où tu vas, où tu en es. Tu sais même pas si tu seras encore là demain. Si ça se trouve, c'est peut-être même les derniers mots que j'écris. Enfin. Sais-tu ce que c'est que sentir souillé, sale jusqu'à la moelle, baignant dans une mare de péché. J'ai pied mais je me noie, toute ma vie je n'ai fait que tricher. Trimer pour des billets, l'envie de tout piller. J'en oubliais même de prier. On se croit tout puissant, adolescent inachevé. On se croit invulnérable, un simple virus peut nous achever. Toute ma vie j'ai triché, trimé pour des billets. L'envie de tout piller, j'en oubliais de prier. J'fais le bilan et j'vois que j'ai rien fait. J'ai fait de l'argent mais j'en ai rien fait. Y'a que tes actes qui restent, ta descendance que tu laisses. Tout ce qui s'élève se rabaisse. Au final mon frère, j'fais le bilan et j'vois que j'ai rien fait. Dans ce monde de part je me sens prisonnier. À peine je purgeais, personne n'était là. J'en veux à personne, j'm'en prends qu'à moi-même. Trop bon, trop con, t'ouvre ton cœur et c'est tes frérots qui te la mettent. J'veux quitter ce monde de fou, j'rêve de mourir à la Mecque. Loin des médisants, de tous ces gens qui souhaitent ta perte. J'purifie mon cœur quand j'écoute les frères qui font rappel. Ils me parlent de l'éternel. Des frissons, mon cœur s'apaise. Le diable pisse sur mon oreille. J'entends pas l'Eden, je suis sourd. Je sais ce dont mon cœur a besoin. J'ai la flemme, j'me sens lourd. Yeah. J'me sens lourd. Yeah. Je me suis saoulé pour tout oublier. J'ai fumé pour m'anesthésier. J'ai chanté pour extérioriser. Je me suis jamais senti aussi bien que lorsque j'ai prié. Je me suis saoulé pour tout oublier. J'ai fumé pour m'anesthésier. J'ai chanté pour extérioriser. Je me suis jamais senti aussi bien que lorsque j'ai prié. Une belle été de terre, c'en est fini, on finira tous sous terre. Une belle été de terre, c'en est fini, on finira tous sous terre. Une belle été de terre, c'en est fini, on finira tous sous terre. Une belle été de terre, c'en est fini, on finira tous sous terre. Yeah, c'est l'Algie en direct de Skyrock. L'album dans les bacs, le 6 octobre, ça s'appelle Aigle Royal. Je compte sur vous pour votre soutien, la famille. Aïe. Morceau qui sort du cœur. Humeur d'un soir à l'instant, ce morceau. C'est quoi, je me lasse pas de l'écouter, ce titre, c'est un truc de fou. Bon, c'est des morceaux que tu sais faire aussi, c'est les genres de morceaux voilà, plus intimistes, plus... Disons que le public qui connaît bien l'Algérino, ceux qui me suivent depuis le début, ils savent que je suis capable de faire ce genre de titre. Ouais, parce que t'en as déjà fait sur les précédents albums. Oui, bien sûr. Mais après, tu as ceux qui connaissent l'Algérino avec Sur la tête de mer, Fêtard. Qui connaissent pas ce genre de titre, et c'est bien, c'est pour ça que j'ai fait cet album-là. En fait, si tu veux, avec Aria, on a bien discuté. J'avais au moins 40-45 titres et comme je te disais tout à l'heure par rapport à la saison, j'ai dit on va regrouper tous les titres introspectifs sur Aigle Royal en attendant la sortie du prochain. On va pas dire quand est-ce que c'est. Ah, t'es déjà sur le sixième là. Et qui est pratiquement à peine le cinquième sorti. Pratiquement bouclé, ouais. Qui est pratiquement bouclé. Non, c'est un album concept. On dit c'est rien. Un album concept. Voilà, on dit rien pour l'instant, exactement. Donc là, je me suis fait plaisir. C'est des morceaux introspectifs, c'est des morceaux. Voilà, c'est du l'Algier, quoi. Et on va aller découvrir d'autres morceaux qui figurent sur l'album. Et puis avant la sortie, parce que c'est le 6 octobre à la sortie. Ouais, c'est lundi. C'est lundi. D'ailleurs, c'est lundi. Il est disponible sur iTunes. Est-ce qu'il est en préco déjà? Il est en préco sur iTunes, ouais. Très bien. Bah dans un instant. Il est pas cher d'ailleurs. C'est 7,99€. Ouais, jusqu'à la sortie, c'est cadeau. Faut y aller. Voilà. Faites-vous plaisir. Voilà, c'est le cinquième album, hein, puisque tout à l'heure j'ai posé la question combien tu en as sorti auparavant. Ouais, quatre albums. J'en ai sorti quatre. Les derniers seront les premiers. Mentalité pirate, effet miroir, c'est correct. Exactement. Et donc celui-ci désormais qui s'appelle Aigle Royal. Et je suis très fier parce que c'est dur de perdurer dans ce milieu de la musique, de ramener de la fraîcheur. Et à chaque fois je vois la réaction du public, ils sont contents. Donc voilà, on essaye de faire le taf, quoi. À un moment donné, soit tu es un artiste. À la carrière, soit tu es un artiste jetable, et là ça fait 5 albums. Bon, c'est pas tout ça, on a la bourre, parce que t'es arrivé en retard, je le rappelle, hein, même si on a. Tu te balades et dans Paris. Et t'as toi, fume ta tana smoke, tranquille. Tu te balades dans Paris. On accueille Marocco 26 de Valence. Salut Marocco. Ouais, je prête, ça va ou quoi? Ça va et toi, Algérino, Marocco, Tunisiano? Eh ben, écoute-moi bien, mon ami. Tout le temps, il me dit, il y a l'Algérino, il y a Tunisiano, mais il n'y a pas Marocco. Eh ben, il est là. Eh ben, il est là. Je suis là, l'Algérino. Eh ben, c'est correct. Et voilà, Marocco 26, puisqu'il est du côté de Valence. Valence, j'aime bien cette ville. Voilà. Je connais bien, j'ai de la famille là-bas. Grosse dédicace à la famille Dogman de Valence. Ça m'aurait étonné. Précis, Marocco, t'es prêt à rapper en 1:30, t'as tout déchiré? Ça y est, je suis prêt. Hein. Allez, c'est parti, mon pote. C'est sur le déchiré ou téléphone. Marocco, hein? Dire, fais le M, tu me reconnais. Dire, à tous ces haineurs, on vous passe le. Salam, beauté, hello bitch, fais le M, shut up bitch, Marocco gang, je monte le level, arrêtez le rap, vos peu qui font de la peine, envoie le mic à la prod que j'en fasse ma paye, j'ai décroché la haine, je vais les éliminer, les deux pieds dans la merde, donc je suis déterminé, marche pas sur mes poids, le terrain est miné, pam, fais le M ou taille d'ici, tu veux du hardien par ici, trop de rappeurs font des pâles copies, font des vues, racontent des conneries, arrêtez le rap, vos sons font gonneries, vous parlez cheat, des clubs de son prix, les vrais bandits ne parlent pas, font leur bise et ne rappent pas, Marocco gang, rouge d'or, 3, 5, 7, ne bouge pas. Dans nos plumes, pas les mêmes touches, car j'ai connu la rue, pas connu le placard. Dis ce que tu vis et non ce que tu vois. Mais qu'est-ce que tu crois, j'en ai gratté des pages pour éviter la rage, renfermé sur moi-même pour éviter la casse. Un sourire cache beaucoup de larmes, pam pam pam. Fais le M, tu reconnais ton boy. Tu connais l'équipe dans les boîtes et tu nous colles. Mon équipe fait du sale en gardant les mains propres. Je descends mes concurrents comme mes verres d'alcool. C'est pas mon son, tu m'attends ton hip-hop, mon flow en métal. Terminator, j'élimine ces rappeurs, je passe les rapports. Salut mon équipe, Mohamed Bikongo. Prépare un combo solo comme Django, te couche la Kimbo, bam bam bam. T'es réel Maghreb, bro. Bam bam bam, à l'instant Marocco. Tueur Marocco, tueur. Si, ça aide, ça fait plaisir. Tueur, frérot. Eh ben, merci à toi, on peut te suivre sur le net. Alors, ouais, on peut me suivre sur le net, sur ma page Facebook, Marocco 26. Et dessus, il y a tout. Et je voulais placer une grosse dédicace à tous mes gars qui me soutiennent. Billy, Adji, Merveille, Sabri, Kaka, Mabrouk, Wata, Benzo, Roméo, Yas, Prince, Herman. Et tous ceux qui soutiennent. Frérot, tu as bien représenté le Maroc, je te le dis. Frérot. Ah, je te le dis. 16, voilà. À bientôt, Marocco. À bientôt. Ciao, passe une bonne soirée sur Skyrock dans quelques minutes. On va peut-être finir avec un morceau. Juste avant, je t'avais prévu quand même un petit vu sur le net, vrai ou faux, l'Alger. Dis-moi tout, frère. On n'a pas la bourre là-dessus. Donc, vu sur le net, c'est simple. Hein. J'étais sur le net. On a fouillé un peu à droite, à gauche. Des choses vraies, des choses fausses. Comme évidemment, tu connais Internet. Il y a de tout et n'importe quoi. Par exemple, si je te dis, suite à tes nombreux bad beats sur une table de poker, tu as décidé d'arrêter de jouer. C'est ce qui court sur Internet en ce moment. Alors écoute-moi bien, ça c'est complètement faux. D'accord, c'est pas correct. C'est pas correct. J'ai arrêté de jouer, c'est vrai. Bon, c'est personnel en fait, parce que je trouvais que je perdais énormément de temps. Je voyais pas trop ma famille, donc je voulais passer du temps avec ma famille. Et le poker, ça prend énormément de temps. Et sachez que je suis un monstre. Demande à Ray, je fais une grosse dédicace à Ray, à Edir du bar de l'Octroi. Vous pouvez tous venir, je vous attends. Un pari. Voilà. Ok, donc ça, non, a priori, c'est juste une question de temps. Voilà, exactement. Bon, après la sortie de ton dernier album, c'est correct, tu voulais arrêter ta carrière. Ah, ça, c'est strictement faux. Donc ce n'est pas correct non plus. Non, c'est pas correct du tout. Tu sais, moi, je suis un passionné de musique. Je me régale quand je suis en studio, je me régale quand je suis en concert, donc. Voilà, c'est une passion, c'est plus fort que moi, je suis obligé de faire de la musique. Vu sur le net, faux ou vrai, ou correct ou pas correct, tu fais partie du combat en Algérie pour sauvegarder les aigles royaux qui sont braconnés régulièrement et en danger. Alors ça c'est pas vrai, mais je peux mener ce combat, il n'y a pas de souci. Donc les aigles royaux d'Algérie, ne tremblez plus. Voilà, l'Alger est avec vous. Voilà, exactement. Ton premier maxi, tu sais c'est qui cause, a été produit par Soprano. Alors ouais, la prod c'est Soprano, ouais. Et c'est produit par HF Prod, c'est Afi, d'un ami de longue date. Tu as choisi le Blaze Algerino en référence à Tunisiano du groupe Sniper. Bon, un classique. Alors non, pas du tout, parce qu'en fait moi je m'appelle Algerino depuis 96 et je pense que à l'époque d'ailleurs Bachir, si nous entend, gros big up à Tunisiano. Je pense que je m'appelais déjà l'Algerino, lui s'appelait il était pas encore dans Sniper. C'est vrai. Je crois que ça M Group. Voilà, il était dans M Group, il avait notre Blaze, je m'en rappelle. Oui oui, mais t'as raison. Voilà, donc depuis 96 l'Algerino et Tunisiano, c'est la famille, d'ailleurs il est sur l'album. Enfin, dernier vrai faux, dernier correct ou pas correct. Il paraît que tu es entré en studio pour faire un featuring avec Booba. Pas du tout. Pas du tout. Non, c'est pas prévu. Pas du tout. Bon, on a vu, évidemment, il y a ça qui sort, c'est qu'il y a eu quelques accrochages par tweet interposés. Je voulais pas trop rentrer dans ça. Moi, tu sais que moi, je suis pas un mec de. Je sais, c'est pour ça, c'est ce qui m'a étonné. Mais en même temps, c'est vrai que c'est ce qui m'a étonné cet été quand j'ai vu que t'étais un peu énervé. Je savais que tu allais me parler de ça, enfoiré Fred. En fait, disons que il n'est pas allé de main morte sur Facebook, et je pense qu'il a perdu l'occasion de se taire en fait. Je pense que sur ce sujet-là, il n'aurait pas dû parler, parce que c'est un sujet sensible, délicat. Très très très délicat et très complexe. Et tu peux pas de chez toi résumer sur un tweet, tac. Non, à un moment donné, faut redescendre sur terre. Et je pense qu'il faut prendre du recul. C'était chaud pendant l'été. Il y a eu beaucoup de réactions sur Internet. Et donc tu peux pas dire tout et n'importe quoi sur ce sujet-là. Voilà. Bon, la page est finie, Clo. Ouais, non, tranquille. Moi, tu sais, dis-toi que moi, je suis pas dans les clashs, je suis pas dans le rap. Mais c'est je suis pas dans ça, moi. Mais tu veux que je dise, c'est ce qui m'a étonné. C'est vrai que cet été, quand j'ai vu ces messages et que t'as eu vraiment une réaction. Tu sais, lorsque tu vois des enfants qui meurent du sang, des bombes, tout ça, à un moment donné, tu peux pas rester. Tu peux pas ne pas avoir de réaction par rapport à ça. Donc voilà, moi, je suis un être humain, je suis quelqu'un de sensible, surtout par rapport à ce sujet-là. Voilà, ça me dérange. Et en espérant surtout avant tout que la paix revienne, voilà. Exactement. Un peu partout dans le monde. Nous, on est des hommes de paix, on est des hommes d'amour. Voilà. Bon, on met un dernier morceau avant de se quitter pour ce soir, là, Gilles. On en aura écouté ce soir. Pour résumer un peu tout ça, on va. Si tu veux. Non, tranquille. pour résumer un peu l'artiste que je suis, moi, j'ai jamais été dans le rap game, j'ai jamais été dans l'apologie du crime. Surtout en plus avec ce qui se passe à Marseille, tous ces rappeurs qui te parlent en général dans toute la France, qui te parlent de Kalachnikov, qui te font l'apologie du crime tout simplement. Donc Humeur d'un jour, c'est un titre qui résume un peu ce que je suis vraiment et ce que je ressens vraiment en tant qu'artiste. Voilà. Il y avait Humeur d'un soir, et maintenant c'est Humeur d'un jour. On l'écoute et on fait tourner la roulette après. L'Algerino, aigle royal dans les bacs lundi. Aïe. Mais qu'est-ce tu veux que je dise à ma fille quand elle sera grande? Désolé papa était underground, merde à la Zermi, loin d'être verni. Moi j'ai fait des tubes mais je rappe comme c'est pas permis. Mon arène est sur scène, il s'adresse à tout le monde. Je suis né à Marseille, j'aurais pu naître à Vitry-sur-Seine. J'ai rien d'un génie, c'est l'amour de la musique, l'amour de la rue, celle que beaucoup de gens dénigrent. On a fait ça par passion, on a fait ça aussi pour le fric, c'est vrai. On vient reprendre ce qu'on nous a pris en Afrique. Parcours aléatoire, destin préécrit, la rue m'a contaminé. Je suis un rat de laboratoire, moi. J'ai fait le tour du monde, ça m'a ouvert l'esprit. Bizarre comme trois notes de musique peuvent changer une vie. J'ai chanté l'espoir, j'ai chanté l'amour, mais ils veulent la guerre, un calibre c'est devenu glamour. Depuis la capitale, ils entendent des rafales de calage, des mères pleurent, ils savent même pas de quoi ils parlent. Ils vendent de la haine, de la violence payante, et ils s'étonnent que les petits frères pressent des détentes. De l'underground, j'ai gardé l'esprit, mais le rap c'est pas ma religion, frère, c'est que du Nesby. Soit tu fais des sous, soit tu t'arrêtes au succès d'estime. Y'a pas de prison dans mon CV, des vérités dans mon CD. J'aurais pu te parler d'armée de coke pour vendre plus de CD. J'aurais pu te parler de pute et de fric, moi. J'suis fidèle à mon éthique, moi. Pour ce côté de la street, j'ai jamais plaidé. Petit, j'viens pas t'inciter. Haram et Aliya, trop de mes frères sont déjà décédés. La foi m'a guidé, dans la zig, je me suis vidé. Loin de moi l'envie de trahir mes idées. À l'époque, j'm'inquiétais, j'avais pas de lové. Seul dans ma cave, les maisons disques me snobaient. J'avais besoin de cash, je cherchais le plan B. J'ai fait de la musique et je vois les potes tous tomber. Je me suis rendu crazy à écrire de la qualité. Me comparez pas aux autres, ils font que de la quantité. Je vais tout nier, vous avez pas idée. Je suis Johnny de mon bled, je suis Johnny Hallyday. On m'a tellement rabaissé, yema. Un jour je lâcherai la zik, rien à foutre de cette dounia. Au fond de moi, j'ai jamais été heureux. Même avec les euros, je rêve de mourir miséreux. Même avec les euros, je rêve de mourir miséreux. L'Alger. C'est dans les bacs lundi, le 6 octobre, règle royale. Aïe, c'est l'Algerino sur Skyrock. J'écris pas pour inciter la jeunesse à faire du mal. Je fais pas fantasmer les petits à te parler de drogue, de prison, à te parler d'armes. À Marseille, c'est le chaos. J'ai perdu des amis, des frères. J'ai vu trop de mères en larmes. Fuck tous ces rappeurs qui font l'apologie du crime, de leur calash à deux balles. Ils savent même pas de quoi ils parlent. Eh oui, l'Alger, c'est pas des hommes. Pour moi, les hommes, c'est ceux qui se lèvent le matin pour aller travailler, charbonner, pour nourrir leurs enfants et assumer leur famille. Le haram, ça ne paye pas. La hagra, ça se paye tôt ou tard. Alors, réveillez-vous les frères. Réveillez-vous avant qu'il ne soit trop tard. À l'instant, l'Algerino et ce morceau donc, Humeur d'un jour. Yes. On pourra encore en parler cette semaine, on le repassera. Ouais, bien sûr, il n'y a pas de souci. On a beaucoup de choses à dire et puis bah, t'as retrouvé sur le morceau. C'est un peu la suite du précédent qu'il y avait eu aussi. Gamberge. Ouais. Ouais, il y avait Gamberge avec Majid qui fait l'intro et l'outro. Il a une voix qui a, bon, il y a beaucoup d'émotions. Tu sens qu'il y a du vécu. Et donc, je l'utilise souvent quand il faut faire des titres un peu réfléchis. J'utilise souvent Majid, que je big up d'ailleurs. On va revenir demain. Merci l'Alger d'avoir été là. Juste avant de se dire au revoir, on fait tourner la roulette. C'est parti. Allez. Skyrock t'offre Kev Adams, le comique numéro 1 de la nouvelle génération. Salut Anne-Gaëlle de Vienne. Comment ça va Anne-Gaëlle? Bien, et toi? Ouais, je te présente l'Algerino, c'est notre invité toute la semaine. Bonsoir. Bonsoir. Ça va, Angèle? Tu es prête à faire tourner la roulette? On y va? Ouais. Allez, dès que tu veux, tu dis stop, déplace pour aller voir Kev Adams. D'accord. Près de chez toi. En tournée, grosse tournée, hein. Le spectacle de Kev Adams avec Skyrock et toi, Angèle, c'est... Eh ben voilà, c'est fait. Deux places pour Saint-Etienne. Oh, cool. Allez hop, c'est fait. Deux places pour Saint-Etienne, c'est pour toi. Nickel, merci. On te fait un bisou, Angèle. Merci, bisous. Ciao, ciao. Je ciao. Une dédicace, vas-y, vas-y, vas-y, on t'écoute. Viens-moi faire une dédicace à toute la première S1 de Lady et à ma meilleure Caroline et ma mère et ma sœur. Bisous, Angèle. Bisous. Ciao, ciao. Merci, l'Alger, pour cette soirée. Merci demain, pour l'invitation. Tu évites le taxi que tu as pris aujourd'hui. Ouais, il sera dans Paris. Tu viens à pied. Il sera dans Paris. Je viendrai à. Combien le taxi. Comment? Explique-nous ce petit tour là qu'on a fait de Paris. On va s'occuper de lui après. Voilà. C'est pas moi, c'est le GPS. La famille. Au fait, il y a le pour ceux qui ont vu un peu le teaser des Bronzés Font du Bif, pour ceux qui ont vu Grosse Garde-Robe, tu as Sa Majesté le Prince Temenik II qui sera là dans la semaine. Donc voilà, il nous fera l'honneur de. Bon, en ce moment, je sais pas si tu as vu le concept, c'est le Prince Temenik qui rachète tout dans toute la France. Son concept. Il a une nouvelle idée là. Et là, il peut-être qu'il va nous racheter. Je crois qu'on sait pas ça. Ça, il va venir demain. Il va voir si ça l'intéresse. Mais en tout cas, là, il est en train d'acheter L'Oréal et il est en train de. Il veut en faire une équipe de foot. L'Oréal de Madrid. Bien. Donc. Et nous finissons sur cette blague qui n'aurait pas démérité dans le Karim Comedy Club qu'on va retrouver avec Tifo. Et d'ailleurs, il y aura des humoristes aussi dans la semaine. Voilà. Ah, on en a en stock, nous aussi, si vous voulez. Je vois ça. Merci, Léger. Merci, Califord Court, qui était là avec nous aussi. Ouais, ce soir, passera gros peut-être dans la semaine. À la maman et à la petite sœur, voilà. Correct. On avait promis, voilà. Et qui en passera peut-être dans la semaine aussi. Yes. On est là toute la semaine avec. Merci à Gims, qu'on a eu tout à l'heure en ligne dans l'émission. Yes. Et l'Alger, demain, un petit peu avant 20h. Ok. Voilà, Léger, coup beaucoup mars. Avant 20h, comme ça, je suis beaucoup là. Avant 20h, voilà. Tony. Difool, tu es là, je t'entends, tu es connecté. Eh oui, connexion établie, c'est parti. Go. Go déjà, tout de suite, c'est parti, on y va. Ah, pourquoi t'attends tout le monde? Non. Ça va, Difool? Ça va bien et vous? Tranquille, très bien. Eh ben aussi, tranquille, content de t'en retrouver, LG. Merci, frérot. Et c'est pour toute la semaine comme ça, 20h, 21h, dans plein Là, les Marseillais sont gâtés. Dans la joie et la bonne humeur. Ah, je vois, mais Marseille, c'est Marseille, la folie. Je sais pas ce qui se passe, mais vous êtes gâtés en ce moment. Écoute, à un moment donné, j'appelle ça contre toute attente. Voilà. C'est pour toute attente. C'est là que c'est encore meilleur. Exactement. On remercie Bielsa et on remercie aussi Gignac, la famille. Eh oui, la famille Gignac. Bielsa, Gignac et Samy, il est toujours là, Samy. Et j'allais le dire, Samy aussi. Foot, il est toujours là. Hier soir, j'étais au stade, tranquille, bro. Ah, mais moi, j'étais à Oran, je suis rentré cassé, éclaté. Donc, je voulais aller voir le match, mais j'étais trop mort. Ah, t'as pas pu venir. L'ambiance, c'était méchant. Chaude, frérot. Ah, c'était méchant, gros. Putain, l'ambiance de fou, gros. Ah, bah, ça te déchire. Ah, mais c'est le meilleur stade du monde, ça y est, c'est fini. Ça y est, le meilleur stade du monde. Non, mais le est fini ou pas? Il est fini ou pas? Ça y est, il est fini, gros. Mais c'est hallucinant. C'est la folie, ben, on risque de le racheter avec le Prince Temenik. On va en faire une chicha. Le chicha vélodrome. Vas-y, gros, bonne ambiance. Tu nous tiens au courant des affaires. T'inquiète. L'Algérino demain, le retour. 20h, 21h, Planète Rap. Et là, c'est parti pour la Radio Libre. On y va. Go. Comme le dit Radio Libre de Sky sur Twitter. Vous pouvez tout faire péter dès maintenant. 01 53 40 30 20. L'équipe vous attend. La Radio Libre, c'est parti. Dans un instant, on se fait DJ Case pour débarrer. Et demain, 20h, on sera là avec toi, l'Algérino et Fredo. Yes. À tout, frérot. Salut, à demain. Ciao. Et Radio Libre, on y va.